Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Nous sommes toujours dans la partie où l'auteur cite le fait de combattre les gens du bâtil avec les arguments. Ce qu'on avait expliqué dans le cours précédent, wa hadha la yakunu illa bil ilm. وأصل العلوم بل أصل الدين هو التوحيد. La chose la plus importante à comprendre, c'est le tawhid. Et c'est la voie qui mène à toute la réussite. Cela me fait penser à un frère qui était à Demedj, je me rappelle, un petit jeune qui était arrivé à Demedj, qui était plein de hamas, plein de fougue, et qui se précipitait à vouloir réfuter les gens de la bid'a, les gens du faux. كانت همته الرد على أهل الباطل فقط الردود دون يتعلم ما يجب عليه في عقيدته وفقهه ومعاملته وذلك. Pour lui, le plus important, c'était de venir à Demetch pour apprendre comment réfuter les gens d'innovation. C'est une noble cause en soi, mais ce n'est pas une cause principale. Et il avait demandé à un frère, qui était un ancien, il lui a dit, je voudrais apprendre à réfuter les gens du faux. Comment on fait? Et le frère lui a dit, apprends le tawhid. Et ce petit jeune n'avait pas compris. Il dit, dans quoi kitab tawhid, ça parle des innovateurs, ça parle des hizbi, ça parle de ci. Il dit, j'ai pas compris. Moi, je veux apprendre comment réfuter ces gens-là et dévoiler leurs faux. Et le frère lui a dit, si tu apprends le tawhid, tu apprendras la base de ta religion, et tu apprendras à connaître les gens du haq, les gens du faux, et ça sera pour toi comme une forme de socle, et d'enclume pour tout le reste qui suivra. Et le frère n'a pas compris, malheureusement, s'est précipité, il a fini, au final il s'est mis à badar tout le monde, même les gens de Demedj, ou à dire qu'on avait du tamir, c'est un petit jeune qui avait du rouleau, malheureusement, et ce rouleau, il l'avait avant de venir à Demedj, et ce ne sont pas les gens de Demedj qui lui ont appris cela. Et bon, voilà comment ça a fini, malheureusement. Donc de là, il faut savoir que le os du haq, c'est le tawhid, et le batil, c'est le shirk. Et quand tu as pris cela, c'est ton plus grand fondement. Le reste suivra par la suite, biznillah ta'ala. Car apprendre à réfuter les gens du shirk, t'apprendras à réfuter également, biznillah ta'ala, les gens du batil, sous toutes ses formes. Ça t'apprendra à savoir comment trouver la vérité, comment l'exposer. Maintenant, les gens diffèrent. T'as des gens qui sont très éloquents, bien évidemment. Des gens qui ont beaucoup de hifz. Et t'as des gens, ils ont beaucoup de stratégies, ils savent comment parler avec les gens pour les amener à se contredire ou leur montrer leurs paroles ou ce genre de choses. T'en as d'autres qui ont peut-être moins de rhétorique, qui ont peut-être moins de perspicacité, mais ici ils ont les preuves, à partir du moment où ils ont donné le verset, la preuve et le hadith qui va avec, le reste suffit. Après t'as des gens qui sont, comme on dit, ils sont plus mouafoques dans ce bab-là. Ils arrivent facilement. T'as des gens comme Cheikh Al-Albani qui était connu pour être très fort dans le débat. Des gens comme Al-Muqayyim, rahimahullah ta'ala, qui était très fort pour cela. Et Cheikh l'Islam. Les gens diffèrent, ils ne sont pas tous au même niveau. Mais là-bas, c'est que Allah ne t'impose pas comme le font les gens les plus forts dans ce domaine. On te demande à la base de faire comme tu peux. Et si tu as les adil avec toi, la compréhension, cela te suffit. Cela te suffit. Bien fort de l'Illah. Taïeb. Donc, imagine-toi, ou ne t'imagine pas que le fait que tu sois rentré dans le ménage des salafs, que tu sois un salafi, inclut que tu aies tout compris. Comme c'est le cas de beaucoup de jeunes frères aujourd'hui, qui ont compris la salafia, du moins les bases de salafia, c'est-à-dire quelle est la voie à suivre, qu'ils ont compris que la salafia c'est la voie à suivre, et se sont imaginés par la suite avoir tout compris. C'est-à-dire que dès qu'une personne vient et s'oppose à ce qu'ils connaissent, ou qu'ils pensent connaître, ils inventent même des règles pour les réfuter. Ils n'acceptent pas de ne pas avoir compris quelque chose. Ils s'imaginent qu'être salafi, ce ménage est infaillible, et que cette infaillibilité vient à leur compréhension. Si quelqu'un dit une chose qui s'oppose à ce que eux s'imaginent avoir compris, alors forcément la personne a la tort. On te dit non, explique des choses que tu n'as pas compris. Tu n'es pas cerné. La salafia, c'est un océan. Quand même. Et le fait que tu aies compris, tu es différencié entre le sol et l'eau de mer, ne veut pas dire que tu as compris tout l'océan. Alhamdoulilah, tu sais où se trouve l'eau, où se trouve l'océan. Mais est-ce que maintenant ça veut dire que tu vas pouvoir cerner tout cet océan? Non. Donc faut rester modeste et rester humble, justement, avoir compris le ménage, ou plutôt avoir su que le ménage salafi c'est la voie de la vérité, t'apprends à être modeste, justement, à savoir qu'il est tellement grand que tu ne connais pas tout. Et t'as des gens, ils s'enferment. Ils se sectarisent dans la salafia en pensant qu'ils ont tout compris. Quand même, alors qu'ils sont ignorants. Et quand tu viens leur démontrer qu'ils n'ont pas compris, ils se sentent obligés d'inventer des règles pour défendre ce qu'ils ont eux dans leur tête. Et de là, ils tombent dans le bâtil. Ils ressemblent aux gens de la bida et peut-être même finissent par finir dans leur rang. Sans même s'en rendre compte. Wallahi. Donc la salafia t'apprend à être modeste. Comme la science t'apprend à être modeste. Plus tu apprends et plus tu seras modeste en sachant que tu ne connais pas grand chose en fait, en réalité. Et t'en as d'autres, c'est tout le contraire. Le peu qu'ils apprennent, ils s'imaginent avoir tout compris. Et ça apporte des grandes divergences et des grandes polémiques et des fitanes entre les frères. Mal al-Asaf. Taïeb. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Ba'da hadha. Walakin iza akbalta 'ala Allah wa usita ila hudajihi wa bayanatihi fala takhaf wa la tahzan. Qala ta'ala inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa. Donc il dit, si jamais tu te consacres à Allah et que tu te reposes sur ses arguments et ses éclaircissements et ses preuves, alors tu n'as pas à avoir peur ni être triste. Comme encore Allah Ta'ala dans le sens, certes, le complot ou la ruse de Shaitan est vraiment faible. Donc là, Shaykh Al-Famin dit, « Yulidu al-mu'allifu rahimahullah ta'ala en ushajja man akbala ala Allah ta'ala wa arafa al-haq bi anna yakhafa min hujaj ahli al-batil liyanna hujajun wahiyatun. » Donc là, le shir, il dit par la suite que le mu'allif, l'auteur, veut t'encourager à te consacrer à Allah, à te tourner vers Allah et à connaître la vérité. Car celui qui connaît les arguments des gens du faux, car ces arguments sont des choses qui sont vraiment, ce sont que des artifices. Ils n'ont rien de valable, rien de solide. Cela fait partie du complot de Shaitan, de la ruse de Shaitan, et celle-ci est vraiment faible. Comme dans le Coran, Allah dit. Donc regardez bien. Là, le shirk vous appelle à quoi? Il est ittiba al-dalil al-shad'i. Ou là, il est ittiba al-rijal. Ça, c'est une indication qu'on prend en même tawhid. Le tawhid t'appelle à suivre les arguments et non pas à suivre les hommes également. Donc le taqlid ne fait pas partie du tawhid. Ne fait pas partie de l'éducation du tawhid. Le muwahid, il apprend à suivre les hujaj, les arguments. Donc ça, c'est une chose qui est surprenante de voir des gens qui s'apparentent à la salafia et suivent les hommes. Normalement, tu es un sahib tawhid. Tu as appris le tawhid comment? Par les adillah. Donc toute situation, tu l'apprends par les adillah, pas par les hommes. Il n'y a pas de différence dans les autres situations. Toute confusion, toute fitna et tout problème revient au hujaj, aux arguments. Maintenant, à toi de savoir qui sont ceux qui ont les arguments. Et les plus aptes à côté des arguments sont les savants. Bilal Sheikh ou Al-Arib. Quand même. Donc si tu apprends à connaître la valeur d'un savant, tu apprendras à savoir que sa valeur est dans la science qu'il a, donc comment il te l'inculque et comment il te la fait parvenir. Et non pas pour l'homme en lui-même. Avahu. Donc suis la science que le savant te donne et ne suis pas l'homme pour lui-même. Faqala al-mu'allifu ba'da hadha. Wal-ammi min al-muwahidin. يغلب ألفا من العلماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جنودنا لهم الغالبون. Donc le ammi, l'homme de la masse, l'homme du commun, parmi les mouahidines, les gens de tawhid, il peut triompher et avoir le dessus et dominer 1000 parmi les savants de ces gens-là, parmi les gens du shirk. Comme Allah dans le sens où il dit, et certes, nos troupes sont eux les vainqueurs. Le ammi à la base, c'est quoi le dhabit du ammi? Le ammi, c'est le muslim tayyib, qui ne s'est pas consacré à l'apprentissage de sa religion, il n'y a son application pleinement. Cela ne veut pas dire qu'il ne connaît rien du tout. Il peut avoir des bases. Le tawhid, il a compris des bases du tawhid. Il a compris des bases du shirk. Il a compris peut-être des bases de la sunnah. Après, il ne s'y consacre pas comme le ferait un étudiant ou un savant dans l'apprentissage. L'approfondissement dans l'apprentissage et surtout dans l'application. Et par la suite, dans la retransmission. Donc, ce ammi des muwahidin, c'est celui qui reconnaît le tawhid dans ces trois catégories. Uluhiyya, urububiyya, wasma wa sifat. Comme le dit Shaykh Al-Uthaymeen. Yaghlibu alfan min ulama al-mushrikin. Car les ulama, lianna ulama hawla al-mushrikin, yuwahidun Allah tawhidan naqisa. Haythu innahum la yuwahidunahu illa bi tawhid urububiyya faqat. Car ces ulama, comme les gens du shirk, n'unifient Allah d'un tawhid que d'un tawhid qui est réduit, qui est manquant, qui n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il lui attribue le tawhid de Rububiya seulement. Et ce tawhid tout seul ne suffit pas. Fil haqiqa. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les mouchidikins qui eux justement avaient ce tawhid. Et ce tawhid ne les a pas fait rentrer en islam. Et ce tawhid n'a pas rendu leur bien et leur sang haram. Il ne leur a servi à rien du tout. فقال المؤلف بعد هذا فجنود الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. Donc les troupes d'Allah sont eux les vainqueurs par les arguments et par la langue, tout comme ils sont les vainqueurs par l'épée et par les armes. فقال الشيخ العثيمين أن جنود الله هم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين. Donc les troupes d'Allah qui sont-ils? Ce sont ses serviteurs croyants, ceux qui secourent Allah et son messager, et qui combattent les gens par deux voies. الأولى الحجة والبيان وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون عداوة المسلمين فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. Donc la première façon de combattre, c'est par les hujja, les arguments, et le bayan, en éclaircissant aux gens. Et cela c'est par rapport, cette façon de faire c'est par rapport à munafiqun, ceux qui n'ont pas fait apparaître l'animosité envers les musulmans. C'est-à-dire le munafiq, il la cache. Il l'a en lui, mais il ne la fait pas apparaître réellement. Donc cela on les combat par quoi? Par les arguments et par la science. Et ce jugement s'applique sur les gens de la bid'a. Quand même, le munafiq, ses règles également dans la façon de combattre s'applique sur les gens de la bid'a. Le bon pour dire, tu le combats par les arguments, par la science. Qala wa thani, la deuxième façon de combattre, man yujahad bi sayfi wa sanan hum al mudhhirun lil adawa wa hum al kufar lil khulus al mu'linun bi kufrihim wa fi hadha wal ladhi qablahu yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhan nabiy jahid al kufar wal munafiqin wal 'udh 'alayhim wa ma'wahum jahannam wa bisa al masir. Donc ceux qu'on combat, qui sont combattus par l'épée, par les armes, sont ceux qui ont fait apparaître clairement l'animosité, et ceux-là sont les koufars, les purs koufars. Ceux qui font apparaître leur kouf clairement, et se basent dessus. C'est pour cela que Allah, dans le sens, dans le Coran, il dit, « Oh, toi le prophète, combat les mécréants, les hypocrites, et sois dur envers eux. Leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise distinction. » Donc on doit combattre ces deux formes de personnes. والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا. Donc en premier lieu, le jihad par les arguments et par les preuves, celui-ci est pour les kuffars, les purs, ceux qui font apparaître leur kufr en premier lieu. Et par la suite, يجاهدون بالسيف والسنن ثانيا. Et une fois que cela a été fait, l'argument leur a été établi, la preuve leur est parvenue et qu'ils refusent, là on les combat par les armes. C'est-à-dire que le combat ne se fait qu'après iqamat al-hujja, qiyam al-hujja alayhim. Thumma qala wal wajib 'ala al-ummati al-islamiyyah an tuqatil kull silah yasubu nahwa al-islam bima yunasibuh. Falladhina yuharibuna al-islam bil afkar wal aqwal yajib an yubayyin butlan ma hum alayhi bil adillati an-nazariyyah wal 'aqliyyah idafatan ila al-adillah ash-shar'iyyah. Donc, ce qui est obligatoire à la communauté islamique, de combattre chaque personne par ses propres armes, par le moyen par lequel ils nous combattent, face à l'islam, parce qu'il est approprié. C'est-à-dire, ceux qui combattent l'islam par des pensées, par des doctrines et par des paroles, alors nous, il nous est obligatoire de combattre ces doctrines et ces paroles par les arguments qui s'y opposent. Et cela par les preuves théoriques et rationnelles, et avant cela, les preuves légiférées, en premier lieu. Mais il est permis de combattre les koufars également, de faire des réfutations avec la raison. Car des fois, tu sors un verset à un kafir, il ne va pas comprendre. Donc il t'est permis de utiliser ta raison, et cette raison basée sur la législation bien entendu, et non pas sur la philosophie ou le zalika, tu lui montres, par la logique, qu'il a tort, et qu'il est dans l'erreur. « Thumma qala wallazina yuharibuna l'islam min nahiyatil » الاقتصادية يجب أن يدافع بل أن يهاجم إذا أمكن وبمثل ما يحاربون به الإسلام والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب ذلك الأسلحة. Donc il dit pareillement, ceux qui combattent l'islam par les moyens économiques, par les matériaux, il y a un qui combattent l'islam, مثلاً, par le matériel. Et alors ceux-là, c'est pareil, on doit les combattre par leurs moyens qu'ils emploient. Et il y a si jamais les koufars mettent en place un système économique pour combattre l'islam, alors c'est aux musulmans de mettre en place un système économique pour pouvoir les repousser. Mais sans tomber dans les mukhalafat. Attention. Contrairement à des gens comme les Ikhwan al-Muslimin, pour qui la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens si ces moyens sont légiférés, et non pas dans l'absolu. Et après, par la suite, il dit que ceux qui combattent l'islam par les armes, alors eux, on doit les repousser par les armes. Les combattre par les armes. Mais ceux-là, dans la capacité. En mesure des capacités et avec des conditions requises. قال بعد هذا وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Donc la seule preuve, la seule chose, la seule peur qu'on a pour le muwahid, c'est celui justement qui emprunte une voie sans être armé. Alors que Allah SWT nous a déjà gratifié de son livre. C'est lui qui l'a fait dans le sens où il dit un éclaircissement pour toute chose, une guidée et une miséricorde, une bonne annonce pour les muslimines. Que veut dire cette parole-là? Cheikh Al-Famin dit « فَيُخْشَى أَنْ يُجَادِلَ أَحَدٌ مِنْ هَاُولَى الْمُشْرِكِينَ فَتَضِيعُ حُجَّتَهُ فَيَهْلَكُ فَلَابُدْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ عِلْمٌ يَدْفَعُ بِهِ الشُّبُهَاتِ وَيَفْحَمُ بِهِ الْخَصَمُ لِأَنَّ الْمُجَادِلْ يَحْتَجُ لِأَمْرَيْنِ. Donc ce qu'on craint, c'est qu'un mouchirik ou quelqu'un du faux vienne à polémiquer avec un des croyants, quand même, et qu'il fasse tomber ses arguments du fait que l'autre est démuni de science, il n'a pas de science pour faire face. Une science pour repousser ses chevaux et ses ambiguïtés, et pouvoir dominer son opposant. Et celui qui viendrait à débattre doit avoir deux choses. Yaqul al-awwal ithbat dalil qawlihi, qui doit affirmer la preuve de ce qu'il prétend. Celui qui parle, qui entre dans un débat, doit avoir la preuve des choses qu'il prétend. Ne pas se mettre à inventer, s'avancer, et ne pouvoir, à part la suite, hein, affirmer ce qu'il dit avec des preuves légiférées. Wa thani ibtal dalil khasami, qui sont en mesure de faire tomber le dalil sur lequel se base son opposant. Donc il n'y a pas de voie, quand même, illa bi ma'rifat ma huwa alayhi min al-haq wa ma alayhi khasamuhu min al-batil liyatamakkan min dakhn hujjatihi. Donc tu es obligé de connaître la vérité, toi, et de connaître le faux sur lequel se trouve ton opposant pour pouvoir la faire tomber et la démontrer. وقوله وقد من الله تعالى علينا بكتابه, c'est la parole de l'auteur quand il dit que Allah nous a gratifié par son livre. Cheikh Al-Famin dit quoi? من الله علينا بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد. Donc ce livre que Allah nous, par lequel nous a gratifié, c'est un livre puissant, dans le sens où Allah dit que le faux ne peut lui venir ni par devant, ni par derrière, ni par devant, ni par derrière. Et c'est une descente d'un sage loué. Ce livre est parfait, infaillible, et contient tout ce qu'il nous faut pour pouvoir combattre les gens du faux. Et là, une faïda de Cheikh al-Islam par rapport à la masala du djedel. Pour les gens qui veulent débattre en situation, que ce soit avec un kafir, que ce soit avec un mubtadi', que ce soit même avec un salafi, sur lequel il y aurait une divergence sur une masala qui mérite d'être réfuté. Il dit, Cheikh al-Islam, وَإِنَّمَا هِيَا بِإِبْدَاءِ الْمَدَارِكِ وَإِظْهَارِ الْحُجَّةِ الَّتِي هِيَا مُسْتَنَدُ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَأَمَّا إِظْهَارِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى مَا لَيْسَ هُوَ الْمُعْتَمَدِ فِي قَوْلِ وَالْعَمَلِ فَنُوعٌ مِنَ النِّفَاقِ فِي الْعِلْمِ وَالْجَدَلِ وَالْكَلَامِ وَالْعَمَلِ. Donc il dit quoi? Que ce jadal, cette polémique, comment est-ce qu'elle doit être faite? C'est justement en faisant apparaître le discernement et faire apparaître l'argument sur lequel on se base, sur lequel se basent nos preuves, ou plutôt sur lequel se basent nos paroles et nos actes, c'est-à-dire le dalil. Mais quand au fait de faire apparaître une chose qui est vaine, sur laquelle rien ne se base, tu polémiques en ne te basant sur rien de concret, c'est-à-dire que tes paroles, tes actes sont basés sur des choses qui ne sont à la base pas des supports, alors cela c'est une forme de nifaq, d'hypocrisie, dans la science, justement, et dans le débat, et dans les paroles, et dans les œuvres. Celui qui parle et débat avec des paroles, des actes, ne se reposant sur rien, celui-là aura une forme de nifaq, d'hypocrisie. Quand même, c'est-à-dire qu'il va avoir le dernier mot. Il ne veut pas laisser tomber, il ne veut pas abandonner et continuer à polémiquer pour défendre ce qu'il a dans sa tête lui et non pas la vérité. Naam, hada ma'na kalami. Rahimahullah ta'ala. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Fala ya'ti sahib ba'atil bi hujjatin illa wa fil Qur'an ma yanqudhuha wa yubayyin batlanuha. Kama qala ta'ala, wa la ya'tunaka bimithlin illa jinnaka bil haqq wa ahsana tafsira. Donc l'auteur il dit qu'une personne qui a le genre du faux ne peut venir avec une chose, ce qu'il pense être un argument, sans que le Coran ne l'annule. Et ne démontre justement le faux de cet argument. Quand le Ta'ala, alors dans le sens où il dit, il ne te vienne avec une chose, quand même avec un exemple, sans que nous ne venions avec la vérité et une meilleure interprétation. C'est-à-dire, quoi que tu viennes et que tu apportes, le Coran, si jamais c'est une vérité, le Coran va l'appuyer, le confirmer. Si jamais c'est faux, le Coran va l'annuler. Et dans le Coran, tu trouveras l'argument. Seulement, ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre l'argument, où est-ce qu'il est, et comment l'utiliser, bien évidemment. Et les gens les plus aptes à le faire sont les ulama. Thumma qal, qala ba'd al-mufassirin, hadhi al-ayatu 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahli al-batil ila yawm al-qiyamah. Wa ana adhkuru laka ashya mimma dhakara Allah fi kitabihi jawaban li kalam ihtajja bihi al-mushrikun. Ihtajja bihi al-mushrikun fi zamanina 'alayna. Donc il dit que certains des gens du tafsir ont dit que ce verset, c'est-à-dire c'est quoi le verset? La ya'tunaka bimithlin illa jinnaka bilhaq wa ahsana tafsira. Qui ne vient pas avec une chose sans que le Coran ne vienne pour l'annuler ou avec une meilleure interprétation. Dans le sens. Il dit que ce verset est général pour tout argument sur lequel se baseraient les gens du faux jusqu'au jour de la résurrection. Tout ce qui apporte comme faux, dans le Coran tu trouveras la réponse. Et il dit, et moi je vais citer maintenant certaines choses que Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans son livre en réponse aux paroles des mouchilikoun de notre époque, quand même, ce qu'ils apportent comme argument pour pouvoir affirmer leur shirk. Et là, ils visent les gens qui s'apparentent à l'islam, qui disent « La ilaha illallah ». Ils apportent des arguments qu'eux-mêmes prennent du Coran, selon leur compréhension. Et bien, lui va démontrer par ce même Coran que ces arguments qu'ils utilisent et qu'ils emploient sont faux et vains et ba'atil. Et le shir, shir enfermé, il dit par rapport à cette parole, en résumé, قال ولكن هؤنا يفاتن به أكونسي ولكن هؤنا أمر نجيب التفتن له. Là il y a une chose qui est obligatoire de méditer et de cerner, de comprendre. Il dit, je dis directement la traduction, qu'il ne convient pas à une personne de rentrer dans un débat avec une personne, avec quiconque, sans qu'il ne connaisse justement sur quoi il se base. Tu ne rentres pas dans un débat avec quelqu'un sans savoir sur quoi il se base. Pour pouvoir y répondre, demain tu veux débattre avec un individu, qui qu'il soit, comme on explique, que ce soit un mécréant, un kafir, que ce soit un mubtadi', même que ce soit une personne de la sunna mais qui a tort sur une mas'ala, sans que tu ne connaisses sur quoi il se base, pour pouvoir justement, toi, démontrer l'erreur. Et chacun selon son mustawa, et chacun selon son statut. Si c'est salafi, ça peut être avec douceur. Quand même, les gens de la bid'a, c'est avec force. Et les koufars également. Et même les koufars, des fois, tu peux faire preuve de douceur avec un kafir pour le rapporter, pour l'amener vers la vérité. Après, ça revient à la hikmah qui est demandée dans la mas'ala. Des fois, il faut être dur, des fois, il faut être doux. Ce n'est pas tout le temps la douceur, la douceur, la douceur. Et ce n'est pas tout le temps également la dureté, la dureté, la dureté. Ça dépend de la personne qui est en face de toi. Ça dépend ce que tu penses de lui. Si tu penses que c'est quelqu'un qui a fait un ijtihad, qui veut la vérité mais qui se trompe. Ça dépend de plein de situations. Donc là, il dit ne t'engage pas dans un débat sans connaître les arguments de ton opposant pour pouvoir les réfuter. Et ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui est entré dans une guerre, dans un combat, sans armes. Ou sans savoir quelles armes forcément utiliserait son adversaire. Car il se peut que tu aies de mauvaises surprises. Et qu'il l'emporte sur toi, devant les gens. Donc pour faire face à un combat, il faut que tu aies les armes adéquates et le courage adéquat également. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de courage, tu vas fuir. Et si tu n'as pas l'arme suffisante pour faire face, tu vas rebattre en retraite. Même si tu es courageux, tu n'auras pas de quoi faire face. Donc là, c'est une métaphore, une image, que celui qui rentre dans une masse Allah sur laquelle il veut débattre, qu'il connaisse les arguments sur lesquels se base son opposant, pour pouvoir les réfuter. Voyez ? Naam. Donc là, c'était toujours la suite, dans ce qui concerne la façon de débattre, que le shir a exposé, et après, Inch'Allah va commencer à rentrer justement dans le vif du sujet de ce livre. فبيد القدم نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين